marche dans une année sombre et de fleurs à la mer, comme si je n'existais plus. Avec ton voile de couleur sombre, ton visage attristé, moi tout en haut, les yeux fermés. Y'a quand tout petit, je t'aime, regardons nos photos. Respirer ma chemise rouge laissée dans ta commode. Écoutez cette mélodie, oui, chantée par amour. Et là, oui, je renaîtrai, viendrai pour te dire, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Partager et toutes ces épreuves que nous avons su affronter. Nous deux mains dans la mer jusqu'au petit matin. Il me reste un peu de temps afin de pouvoir te dire. Tant voulu que tu me tiennes par la main, tout près de toi.